écouter. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est ma mère dans ce quartier que des marronneurs, frère. Ouais, que des marronneurs. Ouais, parce que je suis au ballon. Ouais. Que ça chante. Ah, toi aussi. Tu ah, ça joue plus. Eh hein, non, ça joue plus, le gros. Ah, oh, c'est pas Yugi, ça là-bas? En plus, c'est un chanteur, lui. Ouais, ça tombe bien, non? Appelle-le. Oh, Yugi, oh, wesh, alors, qu'est-ce que tu racontes, gros? Eh, hey, comme d'hab, mon frère, tiens. Alors, Favela Street, toujours là ou vous dormez? Ah, sur ma mère, j'ai envoyé notre maquette en maison de disque. Ah, c'est cinquième chaud, maquette de la journée. Eh, c'est fatal, gros. C'est trop chaud, le rap. Ça commence à me prendre le chou. Voilà, Inch'Allah, ça va plus. Allez, j'en prends au hasard. Favela Street. On verra, toi, ça. Hein. Allez, ils sont dans le rap depuis quand, ceux-là? Est-ce qu'ils savent ce que c'est le rap, déjà? Ils viennent avec leur projet qui s'appelle ça part de là. Ça ne peut que s'arrêter là, à mon avis. Combien de jeunes croient se lancer dans le bain et se noient avant même de commencer? Et qu'est-ce qui pourrait me faire croire qu'ils en veulent plus que d'autres? Quel message ils ont à me faire passer de plus que les autres? Ils m'envoient leur maquette. S'ils veulent se faire entendre, qu'ils aillent faire un skyblog. Je casse leur bâton à coups de tibia pour qu'ils les mettent pas dans nos roues. Ils nous en veulent sur la route du succès, on grille les feux rouges. Respecte le code de la route, nous le code de la route. Depuis c'était promo, ça part de là tous les MC. Dis-toi qu'on est un bolide et qu'on est jamais à 5. De flow, pour squatter vos mémoires, on est venu à 5. T'es fou, tout est de notre talent et maintenant cogite. C'est neuf, c'est des apports de la mélange, répite.